cours numéro 4. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wa salatu wa salam ala nabina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fantahayna wa lillahi alhamd, ams mina al-muqaddima. On a fini ensemble hier l'introduction de cette risala at-tabukiyya, wa stafadna fawaid wa lillahi alhamd kathira. أي في بيان قول الله عز وجل ولا تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. Donc hier on a fini l'introduction de cette risala et c'était essentiellement sur l'explication de la parole d'Allah عز وجل ولا تعاونوا على ولا وتعاونوا على البر والتقوى. Entraidez-vous dans le bien et la piété. Et on a tiré beaucoup de leçons bénéfiques ولله الحمد. قال الإمام ابن القيم رحمه الله فصل لما فصلت عير السير واستوطن المسافر دار الغربة وحيل بينه وبين مألوفاته وعوائده المتعلقة بالوطن ولوازمه أحدث له ذلك نظرا آخر فأجال فكره في أهم ما يقطع به منازل سفره إلى الله عز وجل وينفق فيه بقية عمره. هذا الفصل الجميل ce chapitre, الإمام ابن القيم رحمه الله بين فيه une مسألة عظيمة, un point très très important. Il a montré رحمه الله أن المؤمن, le croyant, في هذه الدنيا, dans ce bas monde, il est comme un musafir, comme un voyageur. فَلِهَذَا قَالْ وَاسْتَوْطَنَ الْمُسَافِرْ دَارَ الْغُرْبَةِ. Et al-musafir, comme هو معلوم, il est en général في غربة. Al-musafir, le voyageur, il n'est pas considéré comme résident. لِمَاذَا لِأَنَّهُ à tout moment il peut se déplacer. À tout moment il peut quitter cet endroit. Et en général, il n'a pas tous ses biens avec lui. Il n'a pas toute sa famille ma'a. Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il a cité هذا المثال العظيم, cet exemple. Et on est tous concernés. Les croyants et autres, hommes, femmes, petits, grands, on est tous concernés par هذا. Anna, cette demeure, c'est pour nous. Ce n'est pas une demeure où qu'on va rester. Donc on est considéré comme des voyageurs. On est fi ghurba. فَلِهَذَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم, il a cité cet exemple. قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ كُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ أَوْ عَابِرْ سَبِيلٌ. Et soit dans ce bas monde comme un étranger ou comme quelqu'un de passage, comme un voyageur. Enfin, celui qui base sa vie, annahu, il est voyageur, sayastafid jiddan. Et al-aksu, et à l'opposé, celui qui pense, annahu, il va rester, annahu, il vit comme s'il n'allait jamais mourir, là, il va se faire beaucoup de mal. قال ابن القيم رحمه الله تعالى فأجال فكره في أهم ما يقطع به منازل سفره إلى الله. Donc on est en voyage. Et ce voyage, à chaque voyage, il y a un départ et une arrivée. L'arrivée de ce voyage, كما قال رحمه الله منازل سفره إلى الله. C'est pour rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. On rencontrera tous Allah azza wa jalla. Allah subhanahu wa ta'ala, il parlera à chacun de nous. Ma minkum min ahad illa wa sayukallimuhu rabbuhu azza wa jalla. Donc on doit se préparer. فَلِهَذَا قَالَ إِبْنُ الْقَيِّمْ فَأَجَالَ فِكْرَهُ. Aïe, ce croyant que Allah subhanahu wa ta'ala, il a guidé, il va réfléchir. Il va penser, il va se poser les bonnes questions. Et parmi ces questions, ma yaqta bihi manazil safari. qu'est-ce qu'il a besoin comme provision pour ce voyage? Ce voyage, Akhil Karim, c'est la durée de ta vie. Tu es en voyage. Tu as besoin de provision pour arriver. Fakir, réfléchis da'iman. Et pose-toi les bonnes questions. Da'iman, qu'est-ce que tu as besoin pour ce voyage? Qala rahimahullah, manazil safarihi ila Allah wa yunfiq fihi baqiyat umrihi. Mais ce qui est passé, c'est passé. Une partie de notre vie, elle est passée et ça fait partie du passé. Si on a eu des manquements, demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous pardonne. Et on a tous des manquements. Et on en aura encore. Lakin ce qui est passé, fanatoub, wa nastaghfir. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala al-maghfira wal-ghufran. Azza wa jal, qu'il nous pardonne. Fahuwa arhamur rahimin. Amma, ce qu'il reste, on est toujours en voyage. Une partie de ce voyage, on l'a déjà fait. Cette durée qu'on a passée sur cette terre. Ce qu'il manque, qala rahimahullah, wa yunfiqu fihi baqiyat umrihi. Qu'est-ce qu'on a besoin de comme provision pour finir cette dernière partie qu'il nous reste. Qala fa arshadahu man bi yadihi ar-rujd ila anna aham shay yaqsiduhu inma huwa al-hijratu ila Allah wa rasulihi sallallahu alayhi wa sallam. فقوله فأرشده من بيده الرجد أي الله سبحانه وتعالى. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui guide. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui facilite à qui il veut. Allah subhanahu wa ta'ala في كتابه العظيم وهكذا في سنة نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم il nous a montré dans plusieurs textes أن أهم شيء يقصده إنما هو الهجرة إلى الله ورسوله. La chose la plus importante est ce qui va conditionner ton voyage, ton déplacement, tous tes efforts, c'est هذه الهجرة إلى الله وإلى الرسول. C'est de faire la hijra إلى الله وإلى الرسول عليه الصلاة والسلام. الهجرة, c'est en langue arabe, c'est le fait de délaisser une chose. الهجر, هجرة. C'est pour ça qu'on dit hajru ahl al-bid'ah wal ahwa, et le fait de les délaisser. C'est pour ça qu'on dit hajru bilad al-kufr, et le fait de délaisser cette terre. Donc qawluhu huna qala aham shay yaqsidu inma huwa al-hijratu ila Allah wa rasulih, et on doit délaisser certaines choses pour Allah subhanahu wa ta'ala. On doit délaisser certaines choses pour suivre le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc ce voyage, ce parcours, ce déplacement, il doit être fondé sur ces deux points. Et on doit délaisser l'adoration d'autres qu'Allah subhanahu wa ta'ala et adorer Allah azza wa jalla seul. Et on doit délaisser le suivi d'autres que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qala fa innaha fardu ayn ala kulli ahad fi kulli waqt wa annahu lam fikaka li ahadin min wujubiha wa hiya matloubullah wa muraduhu min al-ibad. Et il hijra, hijratan. Cette hijra, elle est obligatoire pour tout le monde. Al hijratu ila Allah wa ila Rasul. Et cette hijra, la tanfak an ahadin. Qal wa annahu lam fikak li ahadin min wujubiha. On est tous concernés tout le temps, à chaque instant. Tu dois être da'iman muhajir ila Allah subhanahu wa ila Rasulihi sallallahu alayhi wa sallam. قال وهي مطلوب الله ومراده من العباد. Et Allah subhanahu wa ta'ala il nous a créé que pour cela. قال عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. On doit adorer Allah subhanahu wa ta'ala seul, et pour que cette adoration elle soit valide, elle soit acceptée, elle soit bénéfique pour toi akhi al-karim, il faut qu'elle soit fondée sur l'ikhlas, la sincérité. Et la sincérité, pour être sincère, tu dois délaisser l'adoration d'autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Toutes tes œuvres, toutes tes actions, et bien sûr on parle fi din concernant la religion, ça doit être que pour Allah subhanahu wa ta'ala, pas pour un autre. Et ça c'est min al-hijra ila Allah subhanahu wa ta'ala. Qala idh al-hijratu hijratan. Et cette précision elle est importante. Pourquoi? En général, on connaît le sens de l'hijra, une de ces deux catégories. Il a cité deux types de hijra, rahmatullah alayhi. Qala, hijratun bil jism min baladin ila baladin, wa hadhihi ahkamuha ma'louma, wa laysa al-murad al-kalam fiha. La première hijra, c'est celle qui est connue inda akthar ikhwanina wa lillahi alhamd. La plupart de nous on connaît cette hijra, c'est al-hijra bil jism. Ay, se déplacer avec ton corps. Qal min baladin ila balad. Ay, mathalan al-hijra min bilad al-kufr ila bilad al-islam. Délaisser un pays, une terre de mécréance et se déplacer pour vivre dans une terre de iman et de islam. Ça, c'est la hijra qui est connue. Et Ibn al-Qayyim, rahimahullah, قال وهذه أحكامها معلومة ولله الحمد. Les savants, ils l'ont détaillé, ils l'ont expliqué. Et on a déjà fait plusieurs cours concernant cette hijra. قال وليس المراد الكلام وليس المراد الكلام فيها. Et dans ce livre, l'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il ne va pas traiter cette hijra. Il ne va pas détailler cette hijra. Même s'il va en parler à certains moments, ce n'est pas le but de son conseil. قال والهجرة الثانية, la deuxième hijra, هجرة بالقلب إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم, la hijra avec le cœur. Et c'est la plus importante. Et c'est la base. C'est la base de toutes tes actions, أخي الكريم. قال وهذه هي المقصودة هنا. أي, dans ce livre, رحمه الله, il a plutôt détaillé et conseillé ses frères talabat al-ilm fi hadhihi al-hijra, ay la hijra du cœur. Qala wa hiya, qala na'am, al-maqsoodatu huna wa hadhihi al-hijratu hiya al-hijratu al-haqiqiyya wa hiya al-asl wa hijratu al-jasad tabi'atun laha wa hiya hijratun tatadhamman min wa ila. Hadha san kalam jamil jiddan. قال رحمه الله وهذه الهجرة هي الهجرة الحقيقية. C'est la véritable hijra. C'est la hijra du cœur. Sans négliger l'autre, la hijra du corps, le fait de se déplacer. لكن كما قال وهي الأصل, أي la base, c'est cette hijra. C'est que ton cœur يهاجر إلى الله سبحانه وتعالى. Et c'est cette hijra que l'imam Ibn Qayyim رحمه الله il a traité dans cet épître, dans ce livre, dans cette risala, rahimahullah. C'est pour ça que ba'd al-ulama, comme taqaddam ma'ana, ils appellent ce livre Zadul Muhajir, les provisions du Muhajir. Tu as compris, walillahi alhamd, que c'est pas al-Muhajir qui va quitter une terre de mécréance pour une terre d'islam. Là, c'est plus vaste. Ay, al-Muhajir, celui qui va faire la hijra ila Allah, en délaissant ce que Allah il déteste, en délaissant la désobéissance, en délaissant al-shirk, en délaissant les innovations, en délaissant les péchés. C'est cette hijra que l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah il a appelé huna al-asl, c'est la base. Qala wa hijratul jasad tabi'atun laha. Et ça, c'est une faïda azima. Hijratul jasad, le fait d'accomplir la hijra, de laisser une terre de mécréance pour se déplacer dans une terre de islam, la base de cette hijra, c'est la hijra du cœur. Falihada tastavid, une faïda azima. أن من كان يعيش عند الكفار ثم هاجر إلى الله بقلبه فبإذن الله عز وجل son corps كذلك va suivre. Si tu fais la hijra avec ton cœur أولاً, tu apprends ton din et tu délaisses l'ignorance. Délaisser l'ignorance, c'est une hijra. Il y en a, le fait de délaisser, c'est, en arabe, c'est al-hajr wa al-tirk. Donc, celui qui délaisse l'ignorance, il apprend son din. Kadalik, il apprend une mas'ala azim, wa hiya al-aqida. Il va apprendre sa aqida. Il va apprendre son din. Kadalik, il va délaisser beaucoup de péchés. Il va faire des efforts. Et al-muhajir, man hajara ma naha Allahu anhu. Comme قال النبي صلى الله عليه وسلم, al-muhajir, et c'est cette hijra, la véritable hijra, c'est de délaisser ce que Allah nous a interdit. Si on fait des efforts pour appliquer cette hijra, et cette hijra, c'est ton cœur qui va faire la hijra ila Allah subhanahu wa ta'ala, bi'idnillahi azza wa jal, tu arriveras à faire la hijra avec ton corps. Limada li anna la hijra avec ton corps, elle est basée sur cette hijra. Ça nous montre anna la plus grande cause, la cause principale pour pouvoir faire la hijra, est délaisser un pays de mécréance pour se déplacer en terre musulmane. La principale cause, c'est de travailler ton cœur, Akhil Karim. Purifie ton cœur. Apprends l'ilm. Apprends ta aqida. Fais des efforts dans l'iman. Apprends aqidatu al-wala wal-bara. Et si tu aimes Allah subhanahu wa ta'ala et tu aimes son messager sallallahu alayhi wa sallam, une mahabba qawiyya, avec un iman élevé, et tu détestes les ennemis d'Allah subhanahu wa ta'ala et tu détestes la désobéissance, fabi'idnillahi azza wa jal, tu auras beaucoup de mal à rester fibilad al-kufr, en terre de mécréance. Ça nous montre, on ne doit pas délaisser cette cause principale, al-hijratu bil-qalb, pour autre chose, pour préparer la hijra avec le corps. Wa'adannas, yadhunnoun, ils pensent anna la hijra, c'est qu'une histoire d'argent. Ça, c'est une erreur. Bien sûr qu'on doit faire les causes, même avec l'argent. Pour te déplacer, tu as besoin de certaines choses, etc. Fibilad al-Muslimin, tu auras besoin de certaines choses. Lakin, cette cause, elle vient bien après. Comme Minam Nas, ils avaient de l'argent, ils ont eu de l'argent, et ils ont encore de l'argent. Et ils ont essayé de faire les hijras, et ils n'arrivent pas. Pourquoi? Parce que la base, elle n'est pas prête. Le cœur, il n'est pas prêt. Le corps, il fait des tentatives, il se déplace. Quand il arrive fibilad al-Muslim, ce corps, il ne peut pas patienter. Pourquoi? Parce que le cœur, il n'est pas prêt. Wa an-nabi sallallahu alayhi wa sallam qala inna fil jasad mudghah idha salahat salah al-jasad kulluh. Ta'ammal dans ce hadith le lien entre le corps et le cœur. C'est exactement ce que l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah il a voulu nous montrer dans ce livre. Si on fait des efforts pour travailler ce cœur, al-hijratu ila Allah azza wa jalla avec notre cœur, on pourra appliquer toutes les autres hijras. Mazalan, délaisser pays de mécréance, bi'idnillah azza wa jalla, on arrivera. Pourquoi? Parce que on a insisté, on a fait la principale cause notre cœur. Kadhalik, min al-hijra, délaisser ahlul bid'a wa dhalal, délaisser les égarés, ne pas les fréquenter, etc. On arrivera, pourquoi? Parce que le cœur, il sera prêt, il sera solide. Wa hakada hijratu adh-dhunub, délaisser les péchés. Pourquoi ahyanan certains péchés, on sait que c'est haram, mais on n'arrive pas à les délaisser. La réponse, tu l'as avec hadha al-kalam al-jamil de l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah. Limada liyanna, le cœur, il n'est pas prêt. La question qu'on peut se poser, comment préparer ce cœur? C'est l'étude de ce livre, Walillahi alhamd, c'est le but, l'étude de ce livre. Et bil jumla, c'est de faire des efforts fil ilm. Apprends ton din, akhil karim. Lianna al-ilm, ça va purifier ce cœur, bien sûr, avec sincérité, et l'objectif c'est de mettre en application. Wa min al-ilm, bal aham al-ulum, c'est ma'rifatullahi azza wa jal. Si tu connais Allah subhanahu wa ta'ala avec ses noms, avec ses attributs, tu vas azzam shar' Allah subhanahu wa ta'ala. Tu vas donner beaucoup de valeur aux ordres d'Allah azza wa jal. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a ordonné la hijra. Afalam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Est-ce que la terre d'Allah subhanahu wa ta'ala n'était pas vaste pour que vous fassiez la hijra? Les ulama, ils ont cité al-ijma', l'unanimité des savants, anna la hijra du corps, elle est obligatoire. Bien sûr, celui qui a la capacité, qui ne peut pas appliquer son din en terre de kufr, avec ses conditions. Enfin, celui qui a préparé son cœur, bi'idnillahi azza wa jalla, il fera tout pour appliquer cet ordre. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il lui ouvrira les portes. Qala rahimahullah. Wa hiya hijratun tatadhamman min wa ila. Tu as deux huruf. Tu as min, ay min huna al-ibtida'iyya, wa ila. Ay min, c'est le départ, et ila, c'est l'objectif, en direction de l'arrivée. هذه الهجرة, أي la hijra du cœur, تتضمن من وإلى. Il y a un point de départ et une arrivée, exactement comme la hijra du corps. Pour faire la hijra, bien sûr, celui qui est concerné, c'est celui qui vit dans un bilad de kufr, une terre de mécréance. Donc, il doit quitter هذا البلد. Il doit voyager min هذا البلد. Donc, c'est le départ. Et il doit se rendre إلى بلاد الإسلام. Il doit se rendre dans une terre de islam, de croyant. Donc, tu as bien min ou ila pour le corps. N'importe quel déplacement, tu te déplaces d'un point A pour arriver à un point B. C'est exactement la même chose pour la hijra du cœur. Min ou ila. Et fil haqiqa, notre vie, elle est faite de ces étapes. Min ou ila. Tu as toujours un départ et une arrivée. Fata'ammal mathalan ta naissance. Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a créé dans le ventre de ta mère. Tu sors du ventre de ta mère, min batni ummik, ila kharij batni ummik. Toujours tu as min wa ila. Thumma, de ce bas monde, min hadihi ad-dar, ila al-qabr. Toujours tu as ce déplacement, de ce bas monde à la tombe. Tu es en voyage. C'est le but de l'étude de ce livre. Ce voyage du bas monde au ce bas monde jusqu'à ta tombe. ثم كذلك من القبر. Tu auras plusieurs étapes. من القبر إلى الحشر والقيام من القبور. La tombe كذلك c'est une longue étape. ثم jusqu'à ce que l'insan soit ressuscité. Tu auras fini cette étape. ثم كذلك يوم القيامة. Il y a plusieurs étapes qu'on a étudiées. ولله الحمد مع إخواننا. فمثلا من الأرض المحشر إلى الحوض ثم من الحوض إلى الميزان من الميزان إلى الصراط من الصراط إلى الجنة. La vie de l'être humain elle est faite que d'étapes min ou ila. Tu as toujours un point d'arrivée, un point de départ et une arrivée. ثم في الجنة il y a plus de min ou ila. Pourquoi? لأن الجنة c'est la demeure éternelle, la récompense. Fil Jannah, tu as tout ce que tu veux et ça durera toujours. Et ça, c'est une ni'ma azima. Wa hakada pour le kuffar, iyadun billah. Ils ont les mêmes étapes et dans le châtiment, ils seront éternellement. Fa qawluhu wa hiya hijratun tatadhamman min wa ila. Thumma qala fa yuhajir bi qalbihi min mahabbati ghayrillah ila mahabbati. Ça, c'est a'zam al-hijra. Ay, tu délaisses l'amour d'autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala et tu aimes Allah subhanahu wa ta'ala. Wa minan nas man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah. Et certains ils aiment al-andad autre qu'Allah comme ils aiment Allah ou comme les croyants ils aiment Allah azza wa jal dans un tafsir. C'est pour ça que notre mahabba, même si on aime une créature, on doit l'aimer fillah. On parle pas de mahabba tabi'iyya, chaque être humain il aime ses enfants, ses parents, etc. Là, on parle même le mahabba fi din, c'est lillah. On aime le rasoul sallallahu alayhi wa sallam fillah wa lillah parce que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a rendu nabi rasoul et qui a fait de lui le meilleur être humain, on l'aime pour Allah subhanahu wa ta'ala. On s'aime entre nous en tant que croyant lillah. Enfin, on délaisse l'amour d'autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. قال فيهاجر بقلبه من محبة غير الله إلى محبته ومن عبودية غير الله أو غيره إلى عبوديته كذلك من الهجرة النافعة et c'est la base de l'islam et c'est l'explication de la ilaha illallah. L'explication de la ilaha illallah c'est une hijra azima. L'explication de la ilaha illallah c'est quoi? C'est qu'on doit délaisser l'adoration d'autre qu'Allah. La ilaha, ça c'est une hijra. تهجر الآلهة الباطلة. Tu délaisses tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et tu adores Allah subhanahu wa ta'ala seul. فتأمل قوله لا إله إلا الله. Tu as لا إله إلا الله. Et tu dois délaisser une chose. Pourquoi? Pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala seul. Ça, c'est une hijra du cœur. Elle doit être concrétisée avec les membres. Tu ne fais salat que pour Allah. Tu invoques que Allah. Tu sacrifies que pour Allah. Et c'est ça, al-ubudiyya, l'adoration. Wa min ubudiyyat ghayrihi ila ubudiyyatihi. C'est pour ça que ceux qui se convertissent, mathalan, c'était pas un musulman. Thumma ça devient un musulman. Il a fait la hijra avec son cœur. Même s'il vit encore inda al-kuffar. L'imam al-yannahu, il a délaissé le christianisme, ou le judaïsme, ou l'athéisme, ou autre chose. pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il a délaissé une chose pour arriver à une autre. قال ومن خوف غيره ورجائه والتوكل عليه الى خوف الله ورجائه والتوكل عليه. Ce cœur, il placera sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Ce cœur, il ne craindra que Allah azza wa jalla. Ce cœur, il n'espérera que d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que celui qui haqqaq hada, est-ce qu'il aura peur de vivre dans un pays musulman? Abadan. Il sait que al-amr c'est lillah azza wa jalla. Allah subhanahu wa ta'ala, il te donne ta subsistance fi bilad al-kufr, il te la donnera fi bilad al-muslimin. Celui qui a des doutes fi hada ou des faiblesses fi hada, c'est qu'il a un problème dans son cœur. Amma al-mutawakkil 'ala Allah, il n'y a aucune différence. Qui vit dans ce pays ou dans un autre, c'est la même chose. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui donne. Les courses que tu fais fi bilad al-kufr, fais-les fi bilad al-islam. Lakin, pour pouvoir patienter et faire le premier pas, il faut ce cœur qui a fait la hijra avant le corps. Si ton cœur il a fait la hijra avant ton corps il va suivre ton cœur. Les mains les anna, tous les membres ils suivent le cœur. قال رحمه الله ومن دعاء غيره وسؤاله والخضوع له والذل له والاستكانة له إلى دعاء ربه وسؤاله والخضوع له والذل له والاستكانة إليه. Même الدعاء. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala. Amma al-makhlouq, al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il nous a interdit de demander aux morts, c'est du shirk akbar, et aux vivants, on n'a pas le droit de demander qu'en cas d'extrême urgence. عند الضرورة, عند الحاجة الماسة. Pourquoi? لأن celui qui donne, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Amma cet être humain, tu vas lui demander une chose, aujourd'hui il te donne, demain il refuse. Aujourd'hui il peut, demain il ne peut pas. Amma Allah subhanahu wa ta'ala, il est capable de tout. C'est Ar-Razzaq dhul quwwati al-matin, azza wa jalla. Qala wa hadha huwa bi'aynihi ma'na al-firar ilayh. Qala ta'ala fafirru ila Allah. Fat-tawhid al-matlub min al-'abd huwa al-firar min Allah ilayh. C'est ça l'explication de qawluhu fafirru ila Allah. Al-firar, ça veut dire, tu peux traduire par fuir. On dit fir min al-asad. Aïe, tu fuis de tel animal féroce, tu fuis d'une chose qui peut te faire du mal. Qala azza wa jalla fafirru ila Allah. Fuyez vers Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça la hijra. Le fait de fuir, c'est un déplacement. Faqawluhu azza wa jalla fafirru ila Allah, c'est la hijra du corps et du corps, les deux. Celui qui fait la hijra avec son cœur, il va délaisser les péchés, le shirk, les innovations, la crainte d'autre d'Allah subhanahu wa ta'ala, etc., ce qu'on vient de lire. Pour Allah, et kadalik, celui qui il fuit vers Allah subhanahu wa ta'ala, kadalik, il fuira avec son corps. قال ابن القيم رحمه الله وتحت من وإلى في هذا سر عظيم من أسرار التوحيد فإن الفرار إليه سبحانه يتضمن إفراده بالطلب والعبودية ولوازمها من المحبة والخشية والإنابة والتوكل والسائر منازل العبودية فهو متضمن لتوحيد الإلهية التي اتفقت عليها دعوة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هذه الهجرة avec le cœur c'est التوحيد. لماذا؟ لأن tu vas délaisser toute adoration pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala et tu vas unifier Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration. C'est ça, al-tawhid. Al-tawhid, il est fondé sur al-nafi ou al-ithbat. Al-nafi, c'est délaisser, al-ithbat, c'est appliquer, affirmer, accepter. Donc tu as bien toujours ces deux hurufs, min wa ila. Tu délaisses l'adoration d'autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala pour adorer Allah azza wa jal. قال واما الفرار منه اليه اي قوله quand Ibn al-Qayyim قال ففروا الى الله, il a cité la parole d'Allah azza wa jal, ثم قال فالتوحيد المطلوب من العبد هو الفرار من الله اليه. تامل هذا. Et هنا il faut suivre, c'est assez précis. قال وتحت او نعم نلخص نعم او plutôt on revient sur كلام واما الفرار منه اليه. Tu dois fuir d'Allah subhanahu wa ta'ala vers Allah subhanahu wa ta'ala. تامل هذا. وأما الفرار منه أي من الله إليه إلى الله. Tu as les deux lettres min wa ila. On peut se poser la question, comment fuir d'Allah pour aller vers Allah, Azza wa Jal. قال ابن القيم رحمه الله فهو متضمن لتوحيد الربوبية وإثبات القدر. Cette mas'ala, elle est liée avec le qadr. C'est pour ça que la croyance au qadr, celui qui croit au destin, une croyance ferme, une conviction basée sur la certitude, هذا بإذن الله عز وجل, il aura beaucoup de facilité à faire la hijra avec son corps et avec son cœur. قال ابن القيم رحمه الله وأن كل ما في الكون من المكروه والمحذور الذي يفر منه العبد فإنما أوجبته مشية الله وحده. أن الله سبحانه وتعالى كما تقدم معنا كثيرا إلى تكخي tout ce qui se passe بمشيئة الله عز وجل. Donc ces choses qui peuvent te faire du mal ou qui peuvent te pousser à fuir, tout ça, c'est du qadar illah. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a voulu. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a créé ces choses. Donc, en fait, tu fuis ou tu quittes une chose que Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé et il a voulu. Donc, tu fuis min hadha al-amr. Qala, fa'innahu ma sha'a Allahu kan wa wajaba wujuduhu bi mashi'atihi wa man lam yasha lam yakun wa amtana'a wujuduhu li'adam mashi'atih. Donc tout ce qui se passe dans ce kaun, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a voulu, qui l'a créé et qui l'a décrété. قال وما لم يش لم يكن وامتنع وجوده لعدم مشيئته فإذا فر العبد إلى الله فإنما يفر من شيء إلى شيء وجد بمشيئة الله وقدره. Quand tu fuis d'une chose, c'est Allah qui a créé cette chose. Donc tu fuis d'une chose que Allah il a voulu la créer pour te diriger vers une chose que Allah subhanahu wa ta'ala كذلك il a voulu. Enfin, tu fuis d'une chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a voulu vers une chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a voulu. Et al-mashi'a, comme taqaddam ma'ana, elle peut être kawniya et elle peut être shar'iyya. Si tu fuis d'une chose qu'Allah il a voulu et cette chose elle est mauvaise pour toi, elle peut te faire du mal, c'est al-mashi'a al-kawniya. Ay, al-qadr. C'est possible que Allah il n'aime pas cette chose, lakin il l'a décrété pour une sagesse. Et tu vas fuir vers une chose qu'Allah il a voulu et qu'il aime, al-irada al-shar'iyya. هذا معنى هذا الكلام العظيم. قال وامتنع وجوده لعدم مشيئته فإذا فر العبد إلى الله فإنما يفر من شيء إلى شيء وجد بمشيئة الله وقدره فهو في الحقيقة فار من الله إليه. فالحقيقة tu fuis d'une chose que Allah subhanahu wa ta'ala il a décrété pour te réfugier vers Allah subhanahu wa ta'ala. فتأمل هذا الكلام الجميل. تأمل هذا الكلام النفيس. Parmi les choses qui vont t'aider à renforcer ton cœur, à comprendre ton din, c'est d'étudier كلام أهل العلم. الكبار, الأئمة, الأقوياء. هذا الكلام كثير من الناس ils ne le citent pas. لماذا لأنهم ils l'ignorent. لماذا لأنهم ils étudient ou ils écoutent des gens qui sont loin de مثل هذه الكتب النافعة. Vous avez remarqué, il ne traite que de l'actualité. Il ne traite que du comportement. Il ne traite que du mariage. Il ne traite que certains sujets que la masse, ils ont l'habitude. Qui renforce l'iman. Et c'est la base de notre din. C'est de hijra ila Allah subhanahu wa ta'ala. Enfin, ça va t'ouvrir des portes à toutes choses. Au bon comportement, à la hijra du corps. Bala, à toutes les adorations. Bi-idhnillah. قال ومن تصور هذا حق تصوره فهم معنى قوله صلى الله عليه وسلم وأعوذ بك منك وقوله لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك. تأمل قوله عز وجل صلى الله عليه وسلم وأعوذ بك منك. أعوذ c'est le fait de chercher refuge, الاستعاذة. أعوذ بك منك أي je cherche refuge auprès de toi, contre toi. On a compris l'un que contre toi أي contre les choses que Allah subhanahu wa ta'ala, il a décrété, il a créé. Mathalan, qui c'est qui a créé Shaitan? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Qui c'est qui a voulu l'existence de Shaitan? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Bien sûr, le mashi al-kawniya, l'an Shaitan, c'est akfar al-kavirin. Donc, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala refuge contre les choses qu'il a créées. On demande plutôt protection à Allah subhanahu wa ta'ala contre les choses qu'il a créées. On se refuge أبخذ الله سبحانه. وهكذا قوله لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. قال فإنه ليس في الوجود شيء يفر منه ويستعاذ منه ويلجأ منه إلا وهو من الله خلقا وإبداعا. Toutes les choses que tu vas fuir, que ce soit le mal, que ce soit le shaitan, que ce soit les mécréants, que ce soit la terre de mécréance, que ce soit les péchés, tout ça, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a créé. Et c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a décrété. Enfin, tu demandes protection à Allah subhanahu wa ta'ala contre les mauvaises choses qu'il a créées. Comme a dit le dua al-ma'athur, عن النبي صلى الله عليه وسلم, أعوذ بكلمة الله التامات من شر ما خلق. Tu demandes protection à Allah subhanahu wa ta'ala contre les mauvaises choses qu'il a créées, azza wa jal. قال فالفار والمستعيذ, الفار, c'est celui qui fuit. Ça vient du mot firar. Ou le musta'id, ça vient l'isti'ada. Quand tu dis, قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ. Tu dis, أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. C'est ça l'isti'ada et le musta'id, c'est celui qui cherche refuge, qui demande à Allah subhanahu wa ta'ala protection. قَالَ فَرٌ مِمَّا أَوْجَبَهُ قَدَرُ اللَّهُ وَمَشِيئَتُهُ وَخَلْقُهُ إِلَى مَا تَقْتَضِي رَحْمَتُهُ وَبِرُّهُ وَلُطْفُهُ وَإِحْسَانُهُ فَفِي الْحَقِيقَةِ هُوَ هَارِبٌ مِنَ اللَّهِ إِلَيْهِ وَمُسْتَعِيدٌ بِاللَّهِ مِنْهُ. حقيقة, tu fuis d'Allah subhanahu wa ta'ala pour te réfugier auprès d'Allah azza wa jal. Tu fuis d'Allah et des choses, certaines choses qu'il a créées, qu'il a décrétées pour te réfugier auprès d'Allah, et kadhalik tu demandes protection, musta'id billah minh, ay contre les mauvaises choses qu'il a créées, subhana. فهذا كلام جميل جدا. قال وتصور هذين الامرين يوجب للعبد انقطاع علق قلبه من غير الله بالكليه خوفا ورجاء ومحبه. Si tu as compris هذا, tu as compris هذا الكلام النفيس, اي que la hijra du cœur, elle est fondée sur ces points que l'imam Ibn al-Qayyim il a cité, ça va te donner une thamara azima, un fruit très très, ou des fruits plutôt très très profitables pour ton cœur et pour ton din. قال إن قطع علق قلبه من غير الله. نعم, tu placeras pas ta confiance en autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu n'espéreras pas d'autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu ne craindras pas autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. قال فإنه إذا علم أن الذي يفر منه ويستعيذ منه إنما هو بمشيئة الله وقدرته وخلقه لم يبقى في قلبه خوف من غير خالقه وموجده. C'est une chose qui te fait peur. اعلم أن c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a créé. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a voulu. Donc si tu reviens à Allah subhanahu wa ta'ala, cette chose elle ne peut te faire aucun mal que si Allah y veut. Demande à Allah subhanahu wa ta'ala de te préserver et tu n'auras plus peur. Les gens, ils ont peur de shaitan. Ils entendent le mot shaitan ou djinn, ils ont peur. Pourquoi? Parce qu'ils ont des faiblesses. Qui c'est qui a créé ce djinn, ce shaitan? C'est Allah azza wa jal. Place ta confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Wa fir ila Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce shaitan, il ne peut te faire aucun mal. Ben, c'est min ad'af khalqillah. C'est une créature très faible comme toi. Si on a compris hada, si on a cette aqida, ça va nous ouvrir beaucoup de portes comme à taqaddam. Qala wa lam yabqa fi qalbihi khawfun min ghayri khaliqihi wa mujidihi fatadammana dhalika ifrad Allah wahdahu bil khawf wal hubb wal raja. Ça c'est des adorations du cœur. Al khawf, la peur, la crainte, plutôt la peur ou la, wal hubb, l'amour, wal raja, l'espoir, l'espérance. Si on a compris هذا, enfin, ces adorations, on ne les donnera pas autre qu'Allah subhanahu. قال ولو كان فراره مما لم يكن بمشيئة الله ولا قدرته لكان ذلك موجبا لخوفه منه مثل من يفر من مخلوق إلى مخلوق آخر أقدر منه فإنه في حال فراره من الأول إلى الآخر خائفا منه حذر أن لا يكون الثاني يعيذه منه بخلاف ما إذا كان الذي يفر إليه هو الذي قضى وقدر وشاء ما يفر منه فإنه لا يبقى في القلب التفات إلى غيره بوجه. أما si tu veux fuir pour te réfugier, pour qu'une créature elle te protège, cette créature c'est une cause. Si Allah subhanahu wa ta'ala il décide et il juge que cette créature, elle ne pourra te faire aucun bien, elle ne te fera aucun bien. Donc, c'est pas utile. C'est pour ça qu'on doit faire les causes. ne pas comprendre de Hadal Kalam qu'on doit délaisser les causes. On fait les causes, lakin, on n'oublie pas le principal, la base, la source, c'est Hada At-Tawhid Al-Azim et cette hijra. Aïe, la hijra du cœur. قال رحمه الله فتفطن لهذا السر العجيب في قوله أعوذ بك منك ولا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك فإن الناس قد ذكروا هذا أو قد ذكروا في هذا أقوالا وقل منهم من تعرض لهذه النكتة التي هي لب الكلام ومقصوده وبالله التوفيق. نعم. Tu trouves beaucoup d'explications de ce genre de hadith أعوذ بك منك etc. Et هذا الكلام qu'on vient de lire ensemble de l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, il est nafis jiddan, il est très très profitable. قال فتأمل كيف عاد الأمر كله إلى الفرار من الله إليه وهو معنى الهجرة إلى الله تعالى ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم المهاجر من هاجر ما نهى الله عنه. نعم تأمل كيف عاد الأمر كله إلى الفرار من الله إليه. هذه الهجرة أن on doit fuir, on doit se réfugier auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, contre le mal de nos âmes, contre nos péchés, contre les ennemis d'Allah subhanahu wa ta'ala, la seule solution, c'est cette hijra. Wa nabi sallallahu alayhi wa sallam qala al-muhajir man hajra ma naha Allahu an. C'est ça, la véritable hijra. Amma toutes les autres hijras, elles sont fondées sur hada. Pourquoi on délaisse, mathalan bilal al-kufr, ou on doit délaisser plutôt bilal al-kufr? Parce que c'est haram, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous l'a interdit. وإلا فسوي تير et مثلا les terres musulmanes c'est des terres. Il y a aucune différence peut-être géographiquement au niveau beaucoup de choses, c'est Allah qui a créé cette terre et c'est Allah qui a créé cette terre. Lakin vu que cette terre c'est devenue une terre de mécréance et Allah subhanahu wa ta'ala il nous a ordonné cela, on se déplace pour Allah subhanahu wa ta'ala. بعض الناس خاصة من العوام qui ne connaissent pas ces sujets de hijra etc. Ils ne comprennent pas. Ils disent, Madalène, mais pourquoi tu ne vis pas en Europe, en France, en Mouhim, Fibulad al-Kufr, et tu vis Fibulad al-Islam? Thumma, parmi leurs arguments, ils disent, mais Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé cette terre, il a créé cette terre. Et tu peux adorer Allah subhanahu wa ta'ala dans ce pays, dans ce pays. Ils n'arrivent pas à comprendre. Les Madal et Anahum, ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris que c'est un Amr min Allah, Azza wa Jal. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a ordonné de quitter Bilal Kufr, et c'est lui qui a créé ce Bilal. C'est lui, Allah subhanahu wa ta'ala, qui a créé Bilal Kufr, c'est Allah qui a créé les Kufars. Et il nous a éprouvé, biha'ula, et il nous a ordonné de quitter. Na'am. Pour yatamayyiz, se distingue celui qui obéit à Allah azza wa jal, et celui qui désobéit. Ah, d'ailleurs, le hijra, c'est l'illah. On fait pas le hijra pour un simple voyage. C'est pas du tourisme, c'est pas du commerce. Al-hijratu c'est l'illah. Et cette hijra, elle est fondée sur une hijra encore plus importante, la hijra du cœur. Aïe, la sincérité. Qala, ou al-maqsoud, ou qabla dhalik, ou al-hada, et yakrinu subhanahu bayna al-iman, ou al-hijrati fil Qur'an, fi ghayri mawdi'in, li talazumihima wa qtidai ahadihima lil akhar. C'est pour ça que dans le Qur'an, tu as plusieurs versets. En Allah Azza wa Jal, il a cité l'hijra ou l'iman. Parce que c'est lié. La hijra du corps et l'iman, la croyance du cœur. C'est lié. Al-hijra et l'iman. Mathalan, qawluhu Azza wa Jal, on peut citer un verset. قوله إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. تأمل قوله إن الذين آمنوا الإيمان la foi والذين هاجروا et ceux qui ont fait الهجرة. C'est cité les deux, الإيمان et الهجرة. Vous avez remarqué que l'إيمان c'est cité avant الهجرة. Pourquoi? لأن pour faire الهجرة tu dois avoir الإيمان. الكافر il fera jamais الهجرة. Et كذلك قوة الإيمان, celui qui a un إيمان قوي, ça va lui faciliter الهجرة. قال عز وجل إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله. الشيخ سعدي رحمه الله تعالى قال في تفسيره هذه الأعمال الثلاثة هي عنوان السعادة وقطب راحة العبودية وبها يعرف ما مع الإنسان من الربح والخسران. Ces trois adorations, la foi, l'iman, c'est la base, la hijra et le djihad. Cheikh Saadi rahimahullah ta'ala قال ces trois adorations c'est unwan as-sa'ada. Si tu veux être heureux, néglige pas ces trois adorations. La foi, la hijra et al-jihad. Et al-jihad c'est comme la hijra. Il y a le jihad avec le corps, il y a le jihad avec le cœur, le jihad de l'âme, jihad al-nafs, jihad al-shaytan. Alors ne néglige pas ces trois. قال وبها يعرف ما مع الانسان من الربح والخسران. Si tu veux connaître ton niveau fil iman, tu n'as pas besoin de demander à un autre, chacun il se connaît. Regarde ta situation par rapport à ces adorations. Al-Hijra ou Al-Jihad. Hakada qala al-Sheikh Sa'di, rahmatullah alayhi. Et d'autres versets, madalan qawluhu fi surat al-Anfal, inna alladhina amanu wa hajaru wa jahadu. Da'iman al-Iman, il est cité en premier, et après Al-Hijra ou Al-Jihad. Et vous avez remarqué que l'Hijra est cité avant Al-Jihad. Limada li'anna la-Jihad illa. إلا بعد الهجرة أما بعض الضلال qui n'ont pas compris leur din, ils vivent عند الكفار et ils se plaignent et ils veulent faire le jihad et ils sont عند الكفار. Donc ils font des choses très très graves comme attentat et tuerie au nom de jihad, au nom du jihad, alors que eux-mêmes ils n'ont même pas réussi à délaisser بلاد الكفر. Ça c'est من الخذلان ومن الضياع. Et la cause de cela c'est quoi? C'est l'ignorance de l'étude de ce genre de livre. Anahaoula, ils sont très très loin du ilm et ils comprennent les textes avec les passions et avec les sentiments et ils se sont fait beaucoup de mal et ils font du mal aux autres. Qala, on peut lire Bikhtisar avant de finir un kalam d'Ibn al-Qayyim rahimahullah dans un autre livre. C'est un kalam jamil. Et le lien entre al-hijra ou al-iman. Fafi al-tafsir al-Qayyim tafsir. Un tafsir, ils ont rassemblé les paroles d'Ibn al-Qayyim dans l'explication des versets du Coran. عند هذه الآية من سورة البقرة qu'on a lu, إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله. قال ابن القيم رحمه الله ولا يتم الجهاد إلا بالهجرة ولا الهجرة والجهاد إلا بالإيمان. والراجون رحمة الله هم الذين قاموا بهذه الثلاث. Ces trois adorations, c'est la cause pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse miséricorde. Al-Iman, bien sûr, Al-Hijra et Al-Jihad. Thumma, il a cité le verset, إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَةَ اللَّهُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ثُمَّ قَالَ وَكَمَا أَنَّ الْإِيمَانَ فَرْضٌ عَلَى كُلِّ أَحَدٍ فَفَرْضٌ عَلَيْهِ هِجْرَتَانِ فِي كُلِّ وَقْتٍ. La foi, c'est obligatoire pour tout le monde. On doit tous croire. Celui qui ne croit pas, c'est un kafir. Et Al-Hijra, c'est obligatoire pour tout le monde. Et Al-Hijra, c'est de deux catégories. Comme on a lu, la Hijra du corps et la Hijra du cœur. Lakin qala huna, fa fardun alayhi hijratan fi kulli waqt, hijratun ila Allah azza wa jal bit tawhid, wal ikhlas, wal inabati, wal tawakkuli, wal khawfi, wal raja, wal mahabbati, wal tawba. La première Hijra, Al-Hijra ila Allah. Ay, en adorant Allah subhanahu wa ta'ala seul. Ne craindre qu'Allah, n'avoir peur que d'Allah, espérer que d'Allah, se repentir que pour Allah subhanahu wa ta'ala, etc. Placer sa confiance qu'en Allah. Ça, c'est la première hijra. Wa hijratun ila rasulihi bil mutaba'ati wal inqiyad li amri. Et كذلك une hijra ila rasul. Le معنى c'est quoi? Qala bil mutaba'ati wal inqiyad li amri. Ay, on suit que lui, alayhi salallahu alayhi wa sallam, dans notre dîn. Celui qui contredit Ar-Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, on doit délaisser sa parole qui qu'il soit. Et ça c'est min al-hijra. Vous avez remarqué que le fait de délaisser la parole, c'est min al-tark, c'est min al-hijra. Qala wa taqdim amrihi wa khabarihi ala amr ghayrihi wa khabarihi. Et كذلك tous ceux qui contredisent din Allah azza wa jalla, on doit délaisser leur parole. ثم قال فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ثم الى سيت حديث عمر رضي الله عنه المعروف انما الاعمال بالنيات etc. فمن كانت هجرته الى الله والرسول فالهجره الى الله elle est de deux catégories, avec le cœur, avec le corps. Avec le cœur c'est la sincérité, avec le corps c'est quitter ce que Allah il a interdit, comme péché, comme terre de mécréance, etc. Al-Hijra ila al-Rasul, c'est suivre al-Rasul, lui obéir et ne pas obéir à un autre quand ça contredit la voix du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Thumma qal, والمقصود أن الهجرة إلى الله تتضمن هجران ما يكرهه. هجران أي ترك الهجر والهجران, وكذلك الهجران بالضم c'est le fait de délaisser. فالهجرة إلى الله c'est délaisser ce que Allah déteste. Ça englobe les péchés, ça englobe la terre de mécréance, ça englobe les mécréances, etc. قال واتيان ما يحبه ويرضى. Vous avez remarqué, on est toujours dans min wa ila. Tu délaisses ce que Allah déteste et tu fais ce que Allah subhanahu wa ta'ala il aime. Wa asluha al-hub wal-bughd. La base de cette hijra et de toute hijra, c'est al-hub wal-bughd. Aimer et détester. قال فإن المهاجر من شيء إلى شيء لابد أن يكون ما يهاجر إليه أحب إليه مما يهاجر منه. Toujours dans il, dans min wa ila. Celui qui délaisse une chose pour Allah subhanahu wa ta'ala et il fait une chose لله عز وجل, forcément il a délaissé une chose pour une chose qu'il aime plus. Ou il a délaissé une chose que Allah déteste pour une chose qu'Allah il aime. Tu as toujours ces deux principes. Al-hub wal-bughd. Et c'est ce qu'on appelle al-wala wal-bara. Cette aqida très très importante. Aimer pour Allah, détester pour Allah. Qala fayu'thiru ahab al-amrayn ilayhi ala al-akhar. Et tu délaisses la chose que tu aimes le moins pour la chose que tu aimes le plus. قال وإذا كان نفس العبد وهواه وشيطانه إنما يدعوه إلى خلاف ما يحبه الله ويرضاه وقد بلي بهؤلاء الثلاث فلا تزال تدعوه إلى غير مرضات ربه وداعي الإيمان يدعوه إلى مرضات ربه. ثم إلى ستي لي trois choses qui font beaucoup de mal à l'insan. وإذا كان نفس العبد وهواه وشيطانه. Ces trois choses. Ton nafs, الأمارة بالسوء. الهوى, les passions qui sont dans le cœur, et al-shaytan c'est un adou moubine pour les insan, ils vont l'appeler à délaisser ce que Allah il aime et à faire ce que Allah il déteste. Et le contraire de la hijra qu'on doit faire, avec le cœur ou avec le corps. قال وقد بلي بهؤلاء الثلاث, أي هؤلاء الثلاث, أي ces trois ennemis, ton nefs, ton âme, tes passions et al-shaytan. قال فلا تزال تدعو الى غير مرضات ربه ودع الايمان يدعوه الى مرضات ربه. اما الايمان ça va t'appeler à faire cette hijra, et الشيطان ton nefs الهوى de faire l'inverse. قال فعليه في كل وقت ان يهاجر الى الله ولا ينفك في هجره حتى الممات. Et cette hijra qu'il a expliqué dans ce premier chapitre, la hijra du cœur, on doit l'appliquer pendant tout ce voyage. Et tout ce voyage, depuis que on est né, et on est concerné par les ordres et les interdits, bien sûr, depuis l'âge de la puberté jusqu'à notre mort, ce voyage, on doit être fait hijra. Même si tu es fait dans un pays musulman. Dans un pays musulman, il y a des mauvaises choses. Il y a du munkar dans certaines personnes, dans certains endroits. Enfin, tu dois être muhajir ila Allah subhanahu wa ta'ala et délaisser ces choses jusqu'à ce que tu meurs. Ces sacrifices, et ce long voyage, et cette adoration, et cette patience, etc. Quand le croyant il meurt, بإذن الله عز وجل, il goûtera au fruit, à la récompense. Et نستفيد d'une autre فائدة عظيمة. أن قوله ما يهاجر إليه أحب إليه مما يهاجر منه فيؤثر أحب الأمرين إليه على الآخر. أي الهجرة كما تقدم elle est fondée sur الحب والبغض. Aimer et détester. فلهذا, et ça c'est une faïda nafisa, فلهذا من حقق عقيدة الولاء والبراء والحب في الله والبغض في الله. Celui qui a compris cette aqida, aimer pour Allah, détester pour Allah, Allah subhanahu wa ta'ala lui a facilité à croire, à être sûr et à mettre en application. فهذا c'est un سبب عظيم للهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام. Ça, c'est la cause principale qu'a mataqaddam. Pourquoi? Le fait d'aimer et détester, c'est la cause principale pour ne pas vivre avec le kuffar. لِمَاذَا لِأَنَّ مَنْ أَبْغَضَ الْكُفَّارِ حَقَّ الْبُغْضِ فَيَصْعُبْ عَلَيْهِ جِدًا أَنْ يَعِيشْ مَعَهُمْ. Celui qui déteste les kuffars avec son cœur et il aime Allah subhanahu wa ta'ala, il sait il aime Allah subhanahu wa ta'ala, il va aimer les personnes qui aiment Allah Azzawajal, les croyants. Donc, Hada, il ne pourra plus vivre avec les ennemis d'Allah Azzawajal. Son objectif, ça sera de vivre avec ses frères. Même si ses frères, ils ont des manquements. Même si ses frères, ils ont de l'injustice dans certaines choses. Même si les frères, ils sont plus pauvres. Il y a moins de moyens. Tous ces sacrifices, ça sera, ou plutôt tous ces sacrifices, ils seront fondés sur cet amour et cette haine. L'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala et de ses alliés est détesté à Shaitan, les kuffars et leurs alliés. Donc, hada, cette hijra du cœur, hada tawhid al-azim qu'il a dans le cœur, cette alliance et ce désaveu, al-hub wal-bourd, al-wala wal-bara, ça va lui faciliter sa hijra du corps. Donc, on conclut de hada dars al-azim, hada al-fasl al-navis, anna akhil karim, fais des efforts. Fais des efforts pour travailler ton cœur. Ne pense pas qu'à ton corps. Et hadar, que ton temps y passe dans la nourriture, ou dans les voyages, ou dans le sport, ou dans ce genre de passion. Là, ces choses, si c'est halal, tu as le droit de voyager, tu as le droit de faire du sport, tu as le droit de manger, là, qui ne fait attention de ne pas dépasser les limites. Et si ces choses, ça prend du temps sur le ilm, et tu as du mal à corriger ce cœur, à le réformer, fahdhar, c'est une fitna. Et la majorité de ton temps et tes efforts, essaye de les placer par rapport à هذه الهجرة العظيمة. Fais des efforts et demande à Allah subhanahu wa ta'ala al-thabat. Ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik. Demande à Allah subhanahu wa ta'ala an yunawwir qalbah. Qalbak Allahumma ij'al fi qalbi noura. Hada. Wa nas'alu Allah subhanahu wa ta'ala al-thabat. Wa al-afiyah. Et demain, incha'Allah ta'ala, on continue la lecture de Hada al-kitab. النفيس. Et on passe à notre dars suivant بإذن الله عز وجل.